Bienvenue dans cette nouvelle chronique de films sinon rien. Alors je sais que c'est que la deuxième, et déjà je vais enfreindre les règles que j'ai moi-même fixées, puisqu'aujourd'hui on va parler de trois films. Alors, pourquoi je brise les règles? C'est qu'aujourd'hui je voulais vous parler des trois films qui ont fait la nuit d'Anarkide que j'ai fait avec les enfants il y a 2-3 mois. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des trois ninjas se déchaînent, de Double Dragon et de Forest Warrior avec Chuck Norris. Allez, c'est parti, on commence avec les trois ninjas se déchaînent. Premier film de notre Nuit Nanarkid 2, ce quatrième volet des aventures des trois ninjas est un nanar familial de haute volée mené mollement par Hulk Hogan. Pour ceux qui ont passé les années 80-90 en hibernation, Hulk Hogan est la première superstar du catch à être populaire au point d'apparaître partout. Au cinéma, dans Rocky 3, à la télé, dans l'agence Tourisque, en dessin animé, sur des lunchbox ou même des boîtes de céréales. Bref, il était partout et ce n'est pas étonnant qu'il ait essayé de percer à Hollywood. Au point qu'il se soit fait surnommer Hollywood Hogan. Néanmoins, sa carrière n'a été qu'une succession de films niais et de séries musculeuses. Il a souvent joué les brutes au grand cœur au ciné, les gentils benets, comme pour se faire une image plus flatteuse que la réalité. Ce soutien affiché de Trump est beaucoup moins sympathique une fois les caméras éteintes. Il joue ici un acteur d'action ringard. Qui a dit rôle de composition? Vous êtes mesquin. Mais c'est pour ça que je vous aime bien. Bref, il joue donc un acteur ringard de parc d'attractions qui s'associe avec les trois gamins ninjas du titre pour sauver les guests d'une bande de terroristes, mettez des grosses guillemets à terroristes, qui menacent d'accélérer les attractions ou d'arrêter les montagnes russes tête en bas. Incroyable, qu'est-ce qu'ils sont vilains! Contre une rançon de seulement 10 millions. Bref, des gros vilains de films pour enfants. J'ai des bons souvenirs du premier opus, d'ici quelques jours je n'aurai plus aucun souvenir de ce truc. C'est mou, moche, caricatural, le rythme est en dents de scie, et chaque gosse est plus insupportable que le précédent. Bref, une entrée en matière parfaite pour Nanarkid 2. Il a bien rempli son rôle auprès des gosses. Ensuite, on a enchaîné avec Double Dragon, second film donc de notre seconde nuit Nanarkid. Double Dragon est exactement comme dans mes souvenirs. Ridicule. Avant le film, j'ai diffusé sa bande-annonce. Je fais ça avec chaque film de la nuit. Et à la fin de la bande-annonce, mon fils m'a regardé d'un air consterné et m'a dit « Mais qui serait assez bête pour avoir envie de regarder ça ?» Et bah j'ai dû répondre « Moi, hein. » Et puis David, hein, puisque j'ai été le voir au ciné avec mon pote, et il est témoin de mariage. Comme quoi, hein. Et ça fait un peu mal à l'ego de se faire ainsi juger par son propre fils de 10 ans. Néanmoins, il n'a pas tout à fait tort, la bande-annonce est catastrophique et elle annonce parfaitement la débâcle filmique à venir. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour ce navet. Bah, c'est peut-être le syndrome de Stockholm, hein, comme avec le corbeau ou Mergrin, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai beau savoir que ce film est un étron, en être convaincu même. Et ben je l'aime bien. Je dois avouer que Marc Dacascos a un grand capital sympathie auprès de moi, et que je regrette qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il aurait méritée. Et j'aime bien aussi Robert Patrick et sa, disons, nonchalance agressive. Et son absence de gestion d'image force vraiment le respect. Pour le reste, franchement, Scott Wolf est plus que nul. L'humour est mauvais, les décors en plastique, les SFX déroutants, et l'adaptation à proprement parler est à côté de la plaque. Quand je vous disais que c'était du bonheur en barre. Et enfin, on a clôturé la nuit avec Forest Warrior, dernier film donc de la nuit Nanarkid, et découverte pour moi. Ce Forest Warrior de Aaron Norris avec Chuck Norris a été le film préféré des enfants pour sa partie « Maman, j'ai raté l'avion dans la forêt ». Pour ma part, ça a été mon moment de décrochage. J'ai eu un peu de mal avec le rythme mollasse, la mise en scène fainéante, la morale sirupeuse au possible et pourtant moindre que dans les trois ninjas se déchaînent, et le côté affreusement télévisuel du bousin. La période guimauve de Chuck Norris est franchement étonnante. À peine sorti d'une période de bourrin ultra réac, il devient l'ami des enfants et de la nature. Sidekick, Top Dog et ce Forest Warrior fileraient du diabète à un asset. Ici, Chuck n'est pas vraiment le personnage principal, il est plutôt... l'esprit de la forêt. À la fois humain, aigle, loup, ours, il peut se changer à volonté, apparaître où il veut et quand il veut, et même ressusciter qui il veut. En fait, c'est Jésus. C'est Jésus, mais en roue et en cosplay Pocahontas. Et puis il file des bons coups de tatane aux vilains capitalistes qui veulent exploiter la forêt magique. Et pour lutter contre ces méchants bûcherons qui voudraient même tuer un ourson, il va s'associer avec un groupe d'enfants tête à claque à vélo, qui ont l'amabilité de croire en lui après qu'un vieux du coin leur ait raconté la légende du Chuck Tout-Puissant. Bon, on va pas se mentir, avec ses SFX tout chipos, Chuck qui s'en bat les reins, et sa guimauve, ce Forest Warrior était une sorte de banana split filmique pour mes kids. Et ils m'ont d'ailleurs demandé Top Dog pour la prochaine fois.